Salut à toutes et à tous et bienvenue dans la 7ème Dentiste Les Artistes, votre émission consacrée au spectacle vivant. Je suis ravi de vous retrouver pour cette 7ème Dentiste Les Artistes. Aujourd'hui, nous allons rencontrer Valentin Pouey, qui est comédien professionnel et qui est un ancien élève du Théâtre École d'Aquitaine, dont j'avais parlé dans la seconde émission. Il va nous parler d'un spectacle qui s'appelle LML. Bonjour Valentin. Bonjour Emmanuel. Alors, tu vas nous parler d'un spectacle qui va se jouer au Petit Théâtre Saint-Exupère le 4 mars, ouais. Qui est déjà complet, mais nous allons en parler quand même. On va en parler quand même, parce qu'il y a plein d'autres dates et c'est formidable. Ah, bah ça c'est chouette, et qui s'appelle LML. Mm-hmm. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce spectacle, de quoi ça parle? Alors, LML, c'est la dernière création jeune public de la compagnie La Gite, qui a été écrite par Inès Fener, donc... Et donc ça parle d'amour. LML, c'est l'histoire de Léon et Lucie, qui sont deux enfants, et qui s'interrogent un peu sur des questions amoureuses, sur des questions sur les garçons, sur les filles, sur leurs parents aussi. Lucie qui est un peu dans la tourmente parce que ses deux parents sont séparés, donc il se pose beaucoup de questions. Léon qui à l'inverse est issu d'un foyer plein d'amour, où ses parents s'entendent très bien. Et qui se pose aussi des questions et de l'amour vu par des enfants, comment ils y pensent, et c'est aussi fait du coup pour des enfants. D'accord. Est-ce que jeune public, ça veut dire que les adultes ne trouvent pas leur compte dans ce genre de spectacle? Absolument pas. C'est, je pense qu'un bon spectacle jeune public, c'est un spectacle qui est pour les enfants mais aussi pour les adultes. C'est-à-dire que c'est un spectacle qui a plusieurs niveaux de lecture, où tout le monde peut y trouver son compte, et je pense que dans LML, effectivement, que ce soit des enfants de CP comme des adultes de 50 à 70 ans peuvent aussi apprendre des choses, comprendre des choses, se poser des questions et découvrir plein de choses. D'accord. Donc, tu joues dedans. Ouais. Ça a été écrit donc par Inès Fener, mm-hmm. qui joue aussi dedans. Inès Fener joue avec moi. Et qui a été mis en scène donc par François Fener. Ouais. Donc quand est-ce que vous allez le rejouer ce spectacle, puisque cette date-là est complète? Alors la date du coup à Saint-Exupère le 4 est complète, donc on joue au Centre Culturel des Chamois le 7 juin, si je ne me trompe pas. On jouera dans le cadre de l'événement de la gîte en Palo au mois de mai. Et si tout va bien, on est parti pour le Festival d'Avignon au mois de juillet de cette année. Ah, ça fait un bon programme pour ce spectacle. Ça fait un bon programme, et il y a des dates qui sont en train de se créer du côté de Bonnefoy au mois de septembre, et voilà, des choses pour la saison prochaine qui pour l'instant sont en train d'être mises en place, qui ne sont pas encore établies mais qui le seront bientôt. D'accord, très bien. Et est-ce que ce spectacle, ça a été écrit pour cette date du 4 mars, ou est-ce que c'est un spectacle qui a été écrit auparavant? Non. Et qui alors, est repris? Alors, LML, on l'a créé au Théâtre du Grand Rond en mars l'an dernier, donc ça fait bientôt faire un an du coup qu'on a créé LML. Inès a commencé à l'écrire au mois de mai-juin 2015, et on a commencé à travailler dessus à partir du mois d'octobre, donc de la rentrée de 2015. Voilà. D'accord. Donc... par supposition, je pense pouvoir dire que tu joues donc un enfant dans cette pièce. Tu n'es plus tout à fait un enfant, je pense qu'on peut le dire aussi. Tout à fait un enfant, un grand enfant. Et c'est aussi, ça fait partie du métier d'acteur. Absolument. Et qu'est-ce que ça fait justement, en tant qu'adulte, de jouer un enfant? C'est assez plaisant dans le sens où... ce qui est intéressant dans jouer un enfant, c'est qu'il ne faut pas non plus tomber dans la singerie, dans le côté un peu grotesque qui est un peu la facilité, quoi. C'est trouver une espèce de jubilation, un peu d'émerveillement perpétuel, de spontanéité en fait, un peu tout le temps, quoi. Parce que les enfants, c'est à ce côté-là où... quand on regarde un peu LML, Léon et Lucie, un coup ils se prennent la tête, deux secondes après ils sont un nouveau copain, ils rigolent, puis après ils se reprennent la tête, puis après ils sont un nouveau copain. Donc il y a quelque chose comme ça qui bouge beaucoup, de très vivant, et au théâtre ça veut ça aussi, quoi, je pense. Si on retrouve un petit peu son âme d'enfant le temps du spectacle sur le plateau. On la perd jamais, son âme d'enfant, voyons. Nous allons parler un petit peu de toi maintenant, parce que tu as eu une année assez chargée théâtralement. Tu peux nous parler des divers projets dans lesquels tu as travaillé cette année ? Cette année, à partir de quand exactement ? On va dire à partir de septembre pour faire début de l'année théâtrale. À partir de septembre, j'ai commencé à travailler à Agen. On a créé une pièce de Matej Wiśniewski qui s'appelle Petit boulot pour vieux clown avec la compagnie Viscomica. Et ensuite de quoi, il y a eu toutes les dates d'LML qu'on a joué au théâtre dans le cadre des théâtres près de chez vous. On avait posé le chapiteau de la compagnie Place Saint-Pierre. Donc on a joué ça en novembre. Après ça, avec une autre compagnie qui s'appelle La Mauvaise Herbe, on a créé un spectacle qui s'appelle Pour de Faux, qui a été écrit par Lorenzo Tedon, sur lequel j'étais assistant metteur en scène. Et après on a eu une date d'LML encore au mois de février à Saint-Alban. Et nous revoilà au mois de mars. Puis à côté de ça, je travaille sur des ateliers de théâtre avec des grands, des petits. Et voilà. Alors, comme les auditeurs ont pu le remarquer, j'interviewe souvent des anciens élèves du théâtre du jour. C'est incroyable. Et il se trouve que toi aussi, tu es un ancien élève du théâtre du jour. Mais pas que du théâtre du jour. Pas que. Mais alors, justement, comment tu es venu au théâtre ? Comment je suis venu au théâtre ? J'ai commencé le théâtre assez tard, entre guillemets. Moi, j'ai commencé le théâtre, je devais avoir 15 ans. Parce que je crois que c'est quelque chose qui m'a toujours un peu botté quand j'étais gosse, quoi. Mais je suis arrivé un jour en colo, une colo théâtre avec des assos en France. Je commençais par ça, ça m'a plu, j'en ai refait. Et je commençais à faire du théâtre amateur quand j'habitais en Martinique avec le théâtre du Flamboyant. Et puis, arrivé au lycée, il a fallu commencer à décider ce qu'on voulait faire de sa vie. J'avais pas trop d'idées. Et il y a vraiment qu'une chose dans laquelle je me voyais vraiment faire ma vie un peu. Et c'était vraiment ce milieu artistique-là, ce milieu du théâtre. Du coup, je commençais à en faire vraiment en amateur beaucoup plus sérieusement avant d'arriver au théâtre du jour en 2010. Et après, j'ai embrayé sur le dernier cycle du Conservatoire de Toulouse avant de commencer à travailler à partir de la rentrée 2015. Voilà. LML a été ma première création professionnelle. D'accord. Bah, super. Et pourquoi est-ce que tu as des projets également à venir ? Est-ce que j'ai des projets à venir ? Écoute, oui, là avec une compagnie qui s'appelle la compagnie Bric-à-Brac, on est en train de penser à des choses. Voilà, on travaille toujours en Lot-et-Garonne. Je travaille essentiellement dans le sud-ouest, en région Lot-et-Garonne et sur Toulouse avec quelques assos et quelques compagnies. Mais pour l'instant, continuer à bosser en atelier parce que c'est quelque chose qui me plaît énormément de transmettre un peu tout ça, de travailler avec des amateurs. Justement, on va en parler après de ça. Parlons-en. Mais justement, c'est intéressant de voir par rapport aux différentes personnes que j'ai pu rencontrer dans le cadre de l'émission. La plupart des personnes que j'ai rencontrées me disent qu'elles ont cette envie toujours de transmettre ce qu'elles ont appris. Parce que c'est super chouette, quoi. Parce que peut-être c'est quelque chose qui m'a. Je suis arrivé au théâtre du jour à 18 piges. C'est quelque chose qui m'a un peu radicalement transformé, le théâtre, quoi. Ma façon de penser, ma façon d'être, ma façon de voir les choses. Et c'est quelque chose qui te transcende tellement que c'est forcément quelque chose après que tu as envie d'apporter aux gens. Que même d'une manière peut-être pas aussi transcendantale que toi, ça a pu te marquer, mais au moins leur transmettre quelque chose dans même infime que ça peut leur apporter dans leur vie de tous les jours, dans leur façon de voir le monde, dans leur façon d'être ou d'évoluer, quoi. Et forcément, quand t'as vécu quelque chose d'aussi fort, t'as forcément envie de le partager, de montrer aux gens que c'est chouette. Et voilà, et c'est ça, comme toi, où ça t'a donné ton cap professionnel, où t'as trouvé vraiment ta voix. J'ai trouvé ma voix, et un peu qui je suis aujourd'hui, et pourquoi je fais tout ça, quoi. Alors, comment ça se passe un atelier théâtre avec Valentin Pouey ? Comment ça se passe un atelier théâtre ? Ça dépend avec qui, puisque je fais des ateliers théâtre avec des acteurs amateurs dans des associations de théâtre amateur. Je fais aussi des ateliers théâtre avec des jeunes en réinsertion professionnelle. Donc c'est pas forcément la même façon de voir les choses, parce qu'on s'habitue en fonction de... quand on travaille en association amateur, on est un peu plus libre artistiquement, on cherche vraiment le côté artistique, le côté du jeu. Quand on travaille dans un milieu un peu plus, disons un peu moins artistique, comme on peut travailler du coup, comme je travaille avec la mission locale de la Genève, là on travaille sur des choses beaucoup plus concrètes au niveau de la prise de parole, au niveau de l'expression orale, de la confiance en soi, de la confiance en les autres, pour essayer vraiment des choses qui peuvent être utiles, des choses précises qui peuvent être utiles au quotidien quand on doit prendre la parole, eux, ce qui les intéresse en l'occurrence, c'est vraiment de trouver du boulot et d'avancer dans leur vie. Donc, c'est pas forcément les orienter vers un travail d'acteur professionnel, pas du tout. Mais plus leur donner des outils qui vont leur pas servir. Du tout. Là, pour le coup, pour le coup, eux, c'est pas du tout l'intérêt, et eux, ils sont pas du tout dans la recherche de faire du théâtre. Nous, avec la compagnie Bric-à-Brac, avec qui j'organise ces ateliers, on est arrivé, on leur a proposé parce qu'on trouvait que ça pouvait être pertinent. Pour des jeunes des 18 à 25 ans qui sont un peu en recherche d'emploi et en recherche de plein de choses, de rapporter du théâtre, ne serait-ce que d'un point de vue un peu ludique et aussi d'un point de vue au niveau de l'assurance en fait, et de la confiance en soi, parce qu'on pense que ça peut être intéressant, que ça peut leur apporter professionnellement, dans leur façon de s'exprimer, dans leur façon d'être, dans leur façon de se tenir. Et après, quand on travaille dans des associations vraiment de théâtre amateur, là, les gens qu'on a en face, eux, ce qu'ils cherchent, c'est plutôt l'artistique, donc aussi comment évoluer dans leur jeu, tout en gardant vraiment quelque chose de ludique et quelque chose dans lequel on a envie de s'amuser, où on n'est pas dans un truc où vraiment professionnel, où on est en train de calculer, de faire ci, ça, quelque chose d'un peu plus libre, d'un peu plus cool, et il faut réussir à s'adapter. Et alors toi, pour le coup, qui a fait pas mal de théâtre amateur avant d'en venir au théâtre professionnel, quelle est la différence marquante pour toi entre théâtre amateur et théâtre professionnel ? J'ai envie de dire que ça dépend, parce qu'il y a des associations amateurs qui travaillent vraiment comme des pros et qui tournent énormément, qui ont des façons de travailler très pro et voilà. Et au niveau de la mise en scène, j'ai envie de dire que ça pourrait être les mêmes exigences, quoi. Il n'y a pas à tergiverser quand on a envie de s'investir. C'est une question d'investissement. Je pense que ça part beaucoup des acteurs, en fait, qu'ils soient amateurs ou professionnels. Les acteurs professionnels, ils sont censés s'investir à fond dans leur travail, parce que c'est leur métier. Des acteurs amateurs, tu ne peux pas forcément leur demander le même investissement, parce qu'ils ont un métier à côté, ils ont une autre vie, ils ont autre chose à faire, quoi. Mais il faut s'adapter plutôt à eux, en l'occurrence, quand tu fais de la mise en scène amateur, s'adapter vraiment que les professionnels, tu peux un peu leur dire « fais ci, fais ça, c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on veut ». Que les acteurs amateurs, tu peux pas avoir la même exigence quelque part, parce que t'as aussi envie que eux ils s'éclatent. T'as envie qu'ils passent. Ils sont là pour s'éclater. Ils sont pas là pour se prendre la tête. Ils sont pas là pour. Ils sont là pour s'amuser. Ils sont là pour apprendre. Et il faut que ça reste ludique. Que le théâtre professionnel, ça peut être prise de tête. Ça peut à des moments. Ça va pas être grave de toute façon le théâtre en général. Mais je pense qu'il y a une différence à ce niveau-là de. Le comédien amateur, il faut se permettre d'être peut-être un peu moins exigeant à des moments et lui permettre de prendre son temps, peut-être plus que le comédien professionnel qui lui va vraiment être dans des délais. Il y a des questions de budget aussi qui se posent un peu plus en théâtre professionnel qu'en théâtre amateur. Voilà. Je pense que d'un point de vue de transmission et d'un point de vue de mise en scène, la différence elle est assez infime, quoi. C'est assez drôle parce que moi j'ai croisé récemment quelqu'un qui joue dans du théâtre amateur et qui est également spectateur de spectacles professionnels à divers endroits, aussi bien au TNT qu'au Théâtre du Pavé ou ailleurs, et qui me dit que la sensation qu'il a, c'est que finalement les acteurs professionnels perdent cet objectif de jouer, cette liberté du jeu. Ça peut arriver. C'est le problème quand on peut-être quand on est dans... on perd, est-ce qu'on perd, je sais pas, parce que des fois vouloir trop être sérieux, on peut se perdre le fait de jouer tout simplement, parce qu'on joue au théâtre, le verbe il est pas choisi par hasard, je crois, quoi. Possible, je sais pas, je pense que ça dépend des gens, ça dépend des acteurs, ça dépend des compagnies, ça dépend de la façon de travailler, mais je pense que c'est pas une règle absolue, quoi. Donc d'après ce que tu nous as dit aussi, tu travailles avec plusieurs compagnies différentes sur divers projets différents, donc à la fois avec la compagnie La Gite Théâtre LML. Également, tu nous as dit donc la compagnie Viscomica avec Guichniec, la compagnie Bric-à-Brac avec Kiki. On a organisé donc les ateliers avec des jeunes en réinsertion pro. Je travaille avec l'association Coup de Théâtre avec qui je donne du coup des cours amateurs. Avec la compagnie La Mauvaise Herbe avec qui on a créé du coup la pièce de Lorenzo Tedon au mois de novembre. Voilà, ouais. Je travaille un peu avec un peu plein d'assos et de compagnies différentes. D'accord. Et puis un autre truc qui m'a marqué dans ce que tu nous as dit tout à l'heure, c'est que donc tu as commencé par faire le théâtre du jour, et puis tu as fait après le conservatoire de Toulouse. Mm-hmm. Quelle est la différence en termes de formation ? Ça n'a absolument rien à voir. Et c'est drôle parce qu'en même temps, ça n'a rien à voir. En même temps, il y a des choses que tu retrouves et qui sont très proches, quoi. Que le conservatoire en lui-même, je dirais que le conservatoire, tu vas au conservatoire pour faire des études de théâtre, un peu. Que tu vas au théâtre du jour pour apprendre un métier. Et c'est pas tout à fait la même démarche, si tu veux. Que au théâtre du jour, tu vas jouer énormément, tu vas être tout le temps dans le concret du plateau, tout le temps avec une démarche de finalité. C'est une façon, c'est une formation un peu terminale en soi, le théâtre du jour. T'es censé sortir du théâtre du jour et travailler directement après. Ouais. Contrairement au conservatoire, qui lui est plutôt dans quelque chose qui est censé t'envoyer, même ce que j'ai fait, le cycle d'orientation professionnelle qui est en 2 ans, qui est censé t'amener, lui, vers d'autres écoles ou d'autres formations. Je pense la classe des laborateurs là qui a été créée à Toulouse il y a quelques années, ou des grandes écoles nationales ou quoi que ce soit. Qu'au conservatoire, on va avoir peut-être des choses un peu plus théoriques, travailler plus sur le texte. On va dans les deux cas, on va être pluridisciplinaire aussi. Mais je pense que le conservatoire, il y a vraiment quelque chose dans l'idée où on étudie un peu le théâtre, on fait de la recherche sur le théâtre. Mmh. Que le théâtre du jour, on est moins dans ce côté théorique, on est plutôt dans quelque chose de concret où on apprend un métier. Alors les deux ont leurs points positifs comme négatifs, et les deux se complètent d'une certaine façon, tout en se marchant un peu sur les pieds à des moments, puisque ça reste quand même des formations de théâtre au final. Ok, super. Bah, merci beaucoup, Valentin. Et avec grand plaisir. Et je vais te demander une dernière chose. Moi tout. Puisque maintenant, c'est l'invité qui choisit la chanson de fin. Chanson du générique de fin. De, générique de fin. De fin de l'émission. Oh là. Et te demander de me dire une chanson au hasard, ce qui te passe par la tête. Ce que tu aimerais entendre comme générique de fin de cette émission. Ce que j'ai envie d'entendre comme générique de fin. Le premier truc qui me passe par la tête, là, je sais pas pourquoi, c'est le vent l'emportera de Noir Désir. D'accord. Très bon choix. Merci beaucoup, Valentin. Avec plaisir. Que va-t-il se passer du côté de Audisud dans les semaines et les mois qui viennent ? Les 3 et 4 mars à 20h30 et le 5 mars à 15h, nous retrouvons le Béjart Ballet de Lausanne, qui est la compagnie qui a été fondée par Maurice Béjart, qui nous présentera l'une des plus belles chorégraphies que Béjart a créées et qui est donc interprétée par cette compagnie, à savoir Piaf. Nous pouvons également voir Anima Blues, qui a été créé par l'un de ses interprètes fétiches, à savoir Gilles Roman. Le lundi 6 mars à 20h30, Audisud recevra Kyle Eastwood, qui est le fils de Clint Eastwood, et qui vous proposera un concert de jazz. Lui joue de la contrebasse et il sera accompagné de Quentin Collins à la trompette, Brandon Allen au saxophone, Andrew McCormack au piano, et Ernesto Simpson à la batterie. Du 8 au 11 mars à 20h30, place au cirque avec Flip Fabric, qui est un ensemble de jeunes artistes canadiens de cirque contemporain, avec leur spectacle Attrape-moi. Du 15 mars au 18 mars à 20h30, nous retrouvons la pièce écrite et mise en scène par Yasmina Reza Bella Figura, avec entre autres Emmanuel DeVos. Le 18 mars à 11h et 19h, vous pourrez découvrir la compagnie Tutti, qui propose le spectacle musical Le Cri du Lustre. Alors c'est un spectacle qui ne se joue pas à Audisud, mais au Petit Théâtre Saint-Exupère. Et sur scène, vous pourrez découvrir un quatuor à cordes qui vous fera découvrir une multitude d'histoires différentes. Le 20 mars à 20h30, le pianiste russe Mikhail Rudy vous fera découvrir les peintures de Kandinsky et de Chagall telles que vous ne les avez jamais vues. Du 23 mars au 26 mars à 20h30, sauf le 26 mars à 15h, la chorégraphe Angeline Preljo-Kaj vous proposera le ballet Roméo et Juliette avec 24 danseurs de son ballet. Du 27 au 29 mars à 20h30, le numéro 1 des magiciens au Québec, à savoir Luc Langevin, vous proposera son spectacle Créateur d'illusions. Aujourd'hui pour la chronique littéraire, Flandrin acteur de Pierre de Beauche, édité aux éditions Le Bruit des Autres. Cette pièce, moi, m'a beaucoup marqué dans mon parcours au Théâtre École d'Aquitaine, déjà parce qu'elle a été écrite par Pierre de Beauche, le directeur du Théâtre École d'Aquitaine dont nous avions parlé dans la seconde émission, parce que je l'ai déjà un petit peu travaillé, parce que Pierre y fait souvent référence dans ses cours. Je vais vous en lire d'ailleurs la quatrième de couverture. Une troupe pendant les répétitions de la pièce Le Roi Lear de Shakespeare. Flandrin, acteur principal de la compagnie, est spécialisé dans les rôles de folie. Il devient fou pour de vrai à cause de l'état de la planète. Quand il s'évade de l'asile, errant dans la nuit comme le Roi Lear, il décide de faire pleurer les pierres en leur racontant le XXe siècle. Les guerres auront fait 215 millions de morts. Où est cette civilisation dont nous parlons ? Quand les comédiens jouent, ils s'expriment en prose. Lorsqu'ils ne jouent plus, il parle en alexandrin. Pierre Debauche est né à Namur, en Belgique. Acteur, auteur et metteur en scène, il est à l'origine de nombreux théâtres et festivals. Au cours de sa longue carrière, il a créé plusieurs compagnies et a beaucoup enseigné en France et à l'étranger. Il dirige aujourd'hui le Théâtre du Jour à Agen. Chez le même éditeur, Les Sensations Insolentes. Je vais maintenant vous lire le tout début du monologue de Flandrin, qui est donc l'acte 4, au moment où il parle pour essayer de faire pleurer les pierres par rapport à ce qu'est le XXe siècle. À l'hôpital des fous, on se taisait beaucoup. J'ai mordu mon gardien à la base du cou. C'était un peu sucré. J'ai franchi la fenêtre, respiré, j'ai joué à peut-être renaître. Le chemin buissonnier que j'ai pris garnement m'a servi de refuge et de cantonnement. Un arbre me fait signe où le vent se balance. Et il ressemble trait pour trait à ma violence. Plus brusque que la nuit qui par jeu le retint, il apporte aux oiseaux la noirceur du matin et le salut là-haut des grands nuages frères. Fils de la volupté, évadé de la terre, otage de toi-même aux frontières du ciel, je t'apporte mon corps, j'arroserai de miel ton écorce que gonfle une douce abondance et je ferai l'amour avec toi, arbre immense. Voilà la pierre bleue où furent enterrés les 12 maquisards de la ferme ferrée. Je vous ferai pleurer, cailloux de la mémoire, sentinelle sans cœur de votre propre histoire. Je vous ferai pleurer rien qu'en vous racontant comment l'espace un jour a dévasté le temps, l'a ravagé, meurtri. Ce fut la parenthèse où le sens délicat de la langue française s'est ébroué, s'est dételé, s'est arraché, n'eut plus qu'un seul vertige et fut de se cracher. C'était donc le début du monologue de Flandrin, de la pièce Flandrin acteur, écrite par Pierre Debauche, publiée aux éditions Le Bruit des Autres. Eh oui, En Piste les Artistes, c'est déjà fini pour aujourd'hui, mais nous nous retrouvons dès vendredi prochain, où je serai parti à la rencontre de Majid Cherfi. Pour cette émission, je souhaite remercier bien entendu Valentin Pueil et bien entendu l'ensemble de l'équipe de Radio Montmirail. Comme d'habitude, si vous souhaitez me contacter pour me proposer des modifications ou des suggestions pour l'émission, n'hésitez surtout pas à me contacter par email à l'adresse emmanuel.fitou, emmanuel.fitou@gmail.com. Ce sera avec grand plaisir que je vous lirai et que je tenterai de répondre à vos questions et à vos suggestions. Je vous laisse en compagnie de Noir Désir et la chanson Le Vent nous portera, chanson choisie par Valentin Pouaille pour finir notre émission. À très bientôt! Cette